10 bières bouteilles, 8 bières en fût. 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Découvrez la programmation 2015-2016 de CKRL vendredi 4 septembre au Bal du Lézard. Venez rencontrer toute l'équipe du 89.1 dès 17h30 avec l'ambiance musicale de DJ David Rocketship. Et à 20h, assistez au spectacle du groupe Blues Time. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. C'est un rendez-vous. Pendant Expo Québec, c'est à la source de la Martinière que ça se passe. Spectacle tous les soirs, dont vendredi 14 août, soirée hip-hop avec DJ 20 après Wyclef Jean. Vendredi 21 août, soirée punk rock avec The President Choice après Sum 41. Spéciaux 5 à 7 pendant la durée d'Expo Québec. Pour plus d'infos sur la programmation, suivez-nous sur Facebook. On vous attend. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez American Ultra, Bikes vs. Cars, ce week-end-là, Hyper Agent Américain, Le Journal d'un Vieil Homme, l'Opéra National de Paris présente Don Giovanni, The Tribe, Tristesse Club. Et à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Anatomie d'un double crime, Tristesse Club. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, votre rendez-vous hebdomadaire avec le nouveau rock progressif. On a plusieurs nouveautés ce soir. C'est Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, on a, oui, comme je le disais, plusieurs nouveautés. Le nouveau Ecolin, c'est un album intitulé I Heard You Listening, qui vient tout juste de paraître. On a également Lonely Robot, qui est le projet de John Mitchell. Une nouveauté, c'est son, leur premier disque. Le nouveau UB Meyer, aussi, de l'Italie. On a également Morpheus, qui est... ça, c'est paru en 2014, mais c'est un pays, un groupe des Pays-Bas que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à la revue Progressiste. Et donc, plusieurs... également, Third Degree, un second extrait de leur nouveau disque. Et un second extrait également de Algo Alco Frisbass, un duo français. Bon, alors, pour débuter, donc, je parlais du nouveau Ecolin. Ecolin, le groupe américain, qui, c'est en fait leur 9e album. Ils en ont 5 dans les années 90, hein, depuis 91 à 99. Ensuite, en 2002, il y a eu Mei. En 2005, c'est The End Is Beautiful. Ensuite, il y a eu Un Long Silence. En 2012, il y a eu l'album éponyme, qui était assez court quand même, un très bon disque, là. Ça se présentait sous forme de deux CD, qui étaient comme la face A et B d'un des disques vinyles. Là, c'est un album plus conventionnel, donc plus long, et excellent, en fait, le nouveau Ecolin. J'ai commencé à écouter ça, quelques écoutes, et c'est du bon Ecolin. Alors, on va découvrir ça avec une pièce intitulée « All the Time We've Given ». Pardon. Et on va enchaîner ça avec, j'en parlais, le groupe de John Mitchell. John Mitchell qui est un multi, bon, en fait, guitariste, chanteur, là, guitariste pour Arena, entre autres, It Bites. Il a participé à plein d'albums, là, dont Frost également. Alors, ce premier album, il y a plein d'invités sur ça, dont Ether Finlay de Mostly Hotham. Alors, cette pièce-là, il y a des pièces plus accessibles sur cet album-là. Il y a plein de styles. Et ça ressemble un peu également à Riverside, le nouveau Riverside. Riverside qui s'en vient en spectacle là, à Québec. C'est à l'Impérial de Québec le 19 septembre. Les billets sont en vente. Ça ressemble un peu à ça. Là. J'aurais pas le nouveau Riverside pour vous ce soir. Il est pas encore paru. Mais ça sera donc un peu dans le même style, je trouve, pour Lonely Robot. Et la pièce Are We Copies? Et on aura également UB Meyer de leur nouveau disque. UB Meyer avec une longue pièce. En fait, il y a seulement 4 pièces sur cet album-là. Un album intitulé Incanti Biomeccanici, leur 3e en carrière. Et la pièce Theodora. Bon, et d'abord, on y va avec Ecolin. Lost in chemicals, never thought. thought I'd see this day. Now, what's to become of me? You shine on. beginning. We crawled the earth like ants, a simple forgiving born from circumstance. I need to learn, I need to trust, I need to grow. Is born of kindness. It seems elemental, appears within a glance. Create reverential, diminish sense of chance. When all you see, all you trust and all you fear is born of sadness. Just playing in the ancora l'odore del vento, la terra stuprata dal nero azzurro, il branco straniero, padrone della città, ancora una volta un inferno di morte, e chiudetevi subito in casa, e chiudete le porte, e aperta la caccia per le strade, per la nuova minaccia da cancellare. Oh, centinaia di topi, liberiamo la città, ancora una volta, migliaia di topi, difensori del fiore della verità, combatteranno con furore, con pietà. Adesso ascoltate. Alors, le groupe italien UB Meyer, c'est tiré de leur plus récent album Incanti Biomeccanici. C'est leur troisième album, le premier 2005. J'avais beaucoup aimé, je me l'étais procuré, Nostos. Ensuite, il y a eu Senza Tempo en 2009. Et voici le troisième. Alors, c'est la même formation, pas mal, avec le chanteur Moï, qui est très expressif. Il joue également des trompettes. Et il y a un nouveau bassiste là, depuis l'album précédent. Vraiment un bel album. Donc, c'est la pièce d'ouverture de cet album qui comporte 4 pièces. C'est du très bon rock progressif italien, très engagé comme vocal, très présent sur cet album-là. On avait eu juste avant Lonely Robot, le projet de John Mitchell, un nouveau projet. Donc c'était Oui, donc son premier disque avec la pièce Are We Copies, et on avait débuté avec le nouveau E. Colin tiré de leur nouvel album I Heard You Listening. Alors on poursuit en musique avec Is, un bon, très bon groupe américain, et leur plus récent Everlasting Instant. On aura la pièce d'ouverture Home the Mystery, et ensuite on a un deuxième extrait, un second extrait du nouveau Third Degree qu'on avait vu à la convention l'an dernier, et leur nouvel album Ones and Zeros Volume 1, c'est leur cinquième. D'un album à l'autre, ils s'améliorent. Il y a vraiment des très bonnes pièces sur cet album-là. On ira donc d'une pièce de Third Degree, et après ça on a Big Big Train, un second extrait du nouveau EP Whistle, et la pièce de Rivers of London Town, de Forgotten Rivers of London, à moins que je me trompe. Alors on a ça, donc Is, Third Degree et Big Big Train. While I'm here, I wait. search the sky for heaven, the message he won't send. Silence brings it all before me. I can feel the spark at night. Silence brings it all before me. No more reason left to fight. We'll be right back. transfer was unsuccessful. Your father slipped his allocation matrix, and though several retrieval attempts were made, none were successful. Please refer to Volume 5, Section 42-L of your client contract for further details. At this time, we regret to inform you that your father has been deleted. Biotech and you, a singular relationship. Thank you, and have a transcendent day. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Par téléphone au 88 640 25 75, poste 201, au 405 3e avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Faites-le avant le vendredi 4 septembre 19h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au Bal du Lézard. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui. Pendant Expo Québec, c'est à la source de la Martinière que ça se passe. Spectacle tous les soirs, dont vendredi 14 août, soirée hip-hop avec DJ 20 après Wyclef Jean. Vendredi 21 août, soirée punk-rock avec The President Choice après Sum 41. Spéciaux 5 à 7 pendant la durée d'Expo Québec. Pour plus d'infos sur la programmation, suivez-nous sur Facebook. On vous attend. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. Découvrez la programmation 2015-2016 de CKRL vendredi 4 septembre au Bal du Lézard. Venez rencontrer toute l'équipe du 89.1 dès 17h30 avec l'ambiance musicale de DJ David Rocketship. Et à 20h, assistez au spectacle du groupe Blues Time. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. C'est un rendez-vous. De retour à l'émission Terra Incognita avec Bruno et Marc. Et ce qu'on a entendu juste avant, c'était Electric Orange. C'est un groupe de l'Allemagne. Leur plus récent album, Volume 10. Et c'était un extrait de la pièce Symptom of the Mooliners. Et juste avant, Third Degree, leur plus récent album. Il y a vraiment des pièces super intéressantes sur ça. Alors, l'album, son titre, Ones and Zeros, Volume 1. Et on poursuit donc avec Big Big Train, je vous en parlais, donc un mini EP de 4 pièces. Il y a une des pièces qui est en spectacle, qui est une pièce de Underfall, qui était sur The Underfall Yard. Les 3 autres sont des pièces nouvelles, dont celle-ci. The Lost Rivers of London, et ce sera suivi de Morpheus qui est un groupe des Pays-Bas, c'est leur premier album intitulé Tantalizing Thoughts at the Dawn of Dreams. Oui, donc Morpheus, et ce sera la pièce Tantalizing Thoughts. Et on a ça ensuite. On va avoir également le groupe Isol, un groupe chilien tiré de leur plus récent album 445, et la pièce Hero. Alors on y va tout de suite en musique avec Big Big Train. Lost rivers of London. Thank you.

le groupe chilien Isles, et ça c'est tiré de leur plus récent album 445. C'était la pièce Hero, très cinématique hein, comme ambiance. Il y a beaucoup de pièces beaucoup plus rock que ça sur l'album. Il y a plusieurs styles qui sont explorés. Ils sont en train de travailler sur un nouvel album et probablement que ça va paraître en 2016 pour ce groupe du Chili. Isles, juste avant, il y avait eu Morpheus, qui est un groupe des Pays-Bas. C'est leur premier disque, Tantalizing Thoughts at the Dawn of Dreams. Alors, on va poursuivre avec un groupe du Québec, Monseigneur Chrome, et c'est la pièce de Morning After, l'excellent rock progressif du Québec. Et ensuite, on va y aller avec un groupe italien, Alpha Taurus. C'est un groupe des années 70. Ils avaient fait paraître un premier album en 73, puis après, ça avait disparu. En 92, il est sorti un album, un second disque. En fait, c'était des enregistrements d'un second disque qui avait été en chantier et jamais vraiment terminé. Mais le groupe, en 2014, est arrivé avec Atto Segundo. Puis là, ils ont repris les quelques pièces qu'ils avaient débutées dans les années 70. Ils en ont rajouté, dont cette pièce Progressivamente. Mais tout d'abord, Monseigneur Chrome. Thank you.

cosa che crea, immagina, improvvisa. Let's recount our history. Our tale of boom and bust. We could talk a good fight on our day, but when we got a hand to play, we bit the dust. Now in our threadbare suits, we do our duty, still sold on the pursuit of a common cause. So let us call to memory such witness as we dare. We built our bridges, burned them down as well. Maybe all we have to tell is off the square. We tried our instant remedies. Foresee how it was bound to end, in a break or in a bend. We intended well enough, oh, but the clock was always counting. The envelope was sealed, and as the pressure's mounting, still precious little is revealed. So let us speak of comradeship, of how we stood as one, shoulder to shoulder through the thick and thin, while the roof was caving in. Although everything begins in good faith, with all our sins we'll all end up being skinned. And now there's nowhere left to run to. Nowhere left to hide. We're strapped in and we're gunning for the roller coaster ride. Thank you. master, while emperor of world, and we'll be up for the test. We'll never know when we're over the hill.